Les bas-fonds de Paris, Aristide Bruand, lu par Charlotte pour audiocité.net sous licence creativecommons.org. Les bas-fonds de Paris, tome 1, première partie, Enfants de l'amour. Chapitre 1er, le cabaret de Montmartre. Il fait un froid noir, mortel. Là-haut, scintillant autour de la lune d'argent, des myriades d'étoiles piquent le ciel comme des perles de glace. La bise souffle, aiguë, implacable. Cette nuit, y gèlera Pierre Fendre. Le bourgeois s'est calfeutré au coin de son feu avec une égoïste volupté. Paris qui travaille, qui peine et qui souffre, s'endort, dans un long frisson, avec l'âpre angoisse du lendemain. Dans la rue, les sans-logis et les sans-feux refilent la triste comète. Ils marchent, juifs errants de l'éternelle misère, ils marchent, courbés sous le vent qui leur mord la chair, qui leur brûle les yeux. C'est le grand hiver. Les prisons regorgent, plus de lits dans les hôpitaux. Le fatal écriteau complet s'étale lugubre à la porte close de tous les asiles de nuit. La Seine elle-même est prise, et sa muraille de glace ferme le dernier refuge aux désespérés. Et cependant, les viveurs, les soupeurs, le tout Paris de la nuit et de la noce s'apprêtent pour la fête. Des voitures de cercle, des coupés de maîtres et d'innombrables sapins partent du centre vers les hauteurs de Montmartre. Des bandes joyeuses les suivent. On monte à la butte! Les fins de siècle vont faire le tour des cabarets à la mode. De tous côtés arrivent des petites femmes emmitouflées et de beaux messieurs engoncés dans leurs fourrures. Les pianos s'éveillent. Les antres musicaux, garnis de vitraux en cul de bouteille, entr'ouvrent leurs portes. Les restaurants de nuit s'allument et flamboient. La folie bat son plein et danse le chahut dans les casinos et les bals aux exhibitions étranges et malsaines. Au dehors, l'électricité projette ses lueurs éblouissantes et blafardes. On rit, on s'amuse, on chante. Noël, Noël, c'est la nuit du réveillon. Les douze coups fatidiques s'égrènent lentement sur le vieux monde des martyrs. C'est l'heure noire pour les uns, heure dorée pour les autres, plus heureux ou insoucieux, mais que la misère guette aussi et attend demain. Demain, l'inconnu, le traître. Le boulevard Rochechouart est en ce moment le centre de l'orgie imbécile et du drame poignant. On a allumé quelques braseros autour desquels les misérables et les filles attardées claquent des dents et se grillent les mains. Il faut voir comme ce beau monde, gorgé de truffes et de champagne, s'écarte avec crainte et dégoût de ces parias lamentables, masques hideux ou grimaçants, guenilles humaines qui se détachent sanglantes sur l'horizon funèbre. Les crevés, les inachevés, trouvent la police mal faite. Ils disent que les honnêtes gens ne peuvent plus sortir de chez eux. Que n'y reste-t-il? Et que vont-ils faire la nuit à Montmartre? Chercher fortune autour du chat noir et disputer aux pâles souteneurs et aux tristes pierreuses, les racoleuses, leur banal chantier. Car c'est la lutte pour le trottoir. Le grand boulevard donne l'assaut à l'autre, à l'extérieur, pour cause d'art, de snobisme, ou pour toute autre chose. Et les agents battent la charge à coups de poing et de bottes en faveur des gens chics, des rupins. On va nettoyer ça, messieurs, vous pourrez circuler. Les rafles se succèdent, ignobles, sauvages et aveugles. Tant pis pour les innocentes ou les malheureuses. On ramasse tout en tas. Et en route pour le dépôt, dans le panier à salade. La préfectance reconnaîtra les siens. Si elle peut. C'est, hélas, sur l'une de ces odieuses chasses à la femme, infiniment digne de pitié si bas tombée soit-elle, que s'ouvre notre récit dramatique, observé en tout cas sur le vif et nature, comme dit le vrai peuple que nous avons toujours aimé et salué. Ce soir-là, des individus à l'œil louche, à la face patibulaire, quoique bourgeoisement mis, s'étaient entassés de bonne heure dans le poste de police de la rue Brochamp de Saron, sorte de caverne creusée dans les bâtiments du collège Rollin. C'était Monsieur Jules au grand complet, c'est-à-dire la brigade des mœurs, mobilisée à la requête de quelques sénateurs pudibonds et amis de ses aises. On allait jeter un grand coup de filet, ceinturé, poissé, raflé, tout le gibier marécageux, grues et poissons. Chasse à court et pêche miraculeuse, à coup sûr. Lâchez tout et en avant les mœurs! Les voyez-vous? Ils sortent de leur tanière et défilent à pas de loup dans la nuit noire, leurs complices. Ils vont en file indienne, suivant les murs en une longue théorie qui se dédouble au boulevard Rochechouart, les infiles, rasant les maisons hautes et les hôtels particuliers dans la direction du cirque Fernando. Les autres, en plus grand nombre, se glissent comme des ombres le long du collège Rollin jusqu'au square d'Anvers. Arrivés à leur point terminus, l'extrémité des deux bandes se rabat en un double crochet offensif qui ferme la voie depuis l'ancien bal de la Boule Noire jusqu'à l'Élysée-Montmartre. L'entoilage a réussi. Il n'y a plus qu'à marcher au premier signal, ou plutôt à bondir. Mais ce mouvement tournant a été remarqué par les Marioles, experts en la matière, Pègres et Marlou. Le bataillon sacré de Guiche et de Grinche, aussitôt les cris, les appels s'entrecroisent. « Acré, nos marmites, c'est la casserole !»« Attention, nos femmes, c'est la police secrète !»« Nini, des bintoives, l'aljulo, l'agent des mœurs !»« Piout, hop hop, barrez-vous les mômes, c'est la rousse, on va vous faire !»« Gare, Saint-Lago et l'ours !» Saint-Lazare et l'oursine. « Tirez-vous les gers !»« V'là la pestaille de la renacle qui radine !»« Les mouchards qui arrivent !» Faut gicler, les gonzesses! On va vous paumer sur le tas! Vous arrêtez en flagrant délit! Ousque ma ménesse, ma maîtresse! Veux-tu calter, Pamela nommée? À se frappe à la paire! C'est y cruche, une marmotte! Une femme! Sûr qu'on va vous les frire et les saler, nos gigolettes! Les arrêter et les condamner sévèrement! Et puis nous, on se les calera avec des briques! On ne mangera plus! Malheur, malheur! Et les barbillons? Les souteneurs, les chéris de ces dames, prennent prudemment le large, pas plan de parer au désastre. La boîte, la préfecture, est en nombre, et il est trop tard. On se revengera une autre fois. Mort aux vaches! Maintenant, des coups de sifflet déchirent l'air, alternes se répondent, la horde policière est lancée, déchaînée, et elle rabat ce gibier humain, affolé, rétrécissant à chaque seconde son cercle de bras, de pattes crochues et menaçantes, avide de saisir la proie veule et hurlante. C'est la rafle, hideuse et féroce. Les policiers injurient les femmes, se jettent sur elles au hasard, au petit bonheur. S'il y en a quelques-unes d'honnêtes dans le nom, qu'importe, elles ne se vanteront pas de l'aventure, allez, et hardi donc! On les bouscule, on les empoigne, on les rejette finalement entre deux rangs d'agents en uniforme qui se tiennent immobiles et pas fiers dans l'ombre portée du collège Rollin. Et toute cette louche besogne s'accomplit en quelques instants, sourdement. C'est une course folle d'ombres et de silhouettes sous les arbres décharnés et couverts de givre, à la lueur sanglante des braseros désertés. Sur le côté animé du boulevard, où se trouvent les bals, les cafés et les cabarets, les noctambules en liesse sont à peine revenus de leur surprise que déjà tout est terminé. Le bétail humain, racolé en bloc, reflue à présent vers le poste de la rue Bochard de Saron sous la garde des agents, de toute la sonne, la police, secrète ou non, qui rapplique. Une rangée de voitures cellulaires attend à la porte. Le départ ne traînera pas. Seul, entre l'Élysée ruisselant de feux électriques, et le cabaret de Montmartre, dont la porte close s'entrebâille par intervalles sur un fond rougeâtre et fumeux pour laisser s'engouffrer les clients, seule, disons-nous, une jeune fille, pauvrement vêtue, mais charmante sous sa pâleur et son émoi, se débat encore dans les griffes des agents, furieux de sa résistance et de ses protestations qui ameutent la foule. « Mais laissez-moi » supplie-t-elle, affolée. « Qu'ai-je donc fait? Que me voulez-vous ? J'ai veillé tard, et je rentrais quand... C'est bon, on la connaît, tu t'expliqueras la permanence. Allons, ouste, et pas de rouspétance, sans ça, les menottes !» Et les bons soutiens de la morale, cabriolés au poing, allaient l'entraîner, l'arracher à la masse des curieux, quand un fiacre s'arrêta net, et un homme, étrangement accoutré, en descendit. C'était le patron du cabaret de Montmartre, un chansonnier populaire en vogue. Son arrivée tardive fit sensation parmi les badauds de tous âges et de toutes conditions qui l'escortèrent jusqu'à la porte de sa fameuse boîte réaliste, emportant dans leur poussée la malheureuse et rejetant au loin, comme dans une nausée, les argousins de la brigade des mœurs. Et la jeune inconnue se trouva, comme par enchantement, au beau milieu du cabaret. Va te mettre là-bas dans le fond. Attends et espère, ordonna le poète mal embouché en claquant sa porte au nez des agents. Glacée, terrifiée, tremblante, elle alla s'effondrer, s'écrouler dans un coin, sur une chaise en bois, tandis que le garçon lui servait d'autorité un boc minuscule en criant « Aujourd'hui, c'est 100 sous, pour boire donc on prie !» Et il passa, très affairé, continuant libéralement sa distribution de vagues bières à la dernière fournée de clients, artistes, curieux et boulevardiers, grands ou demi-mondes, car tout Paris défilait alors dans cette bouche d'enfer, dans cet extraordinaire capharnaüm, où il était de bon ton, après des princes du centre, des milliardaires, voire même des têtes couronnées, s'il vous plaît, de venir se faire engueuler par le maître du lieu, qui, sous ce rapport, en donnait pour l'argent. Il s'était hissé sur une table et débitait un monologue aux applaudissements de ceux qu'il fustigeait le plus les fins de siècle. « Ils sont comme ça, des tas de crevés, des outils, des flottes, des jaquettes, des mal foutus, des énervés, montés sur des flûtes en cliquettes. Ils toussent, ils se crachent, ils font du foin, ils éternuent. Dieu vous bénisse. Minot, que vous en avez besoin. Allez donc dire qu'on vous finisse. » La jeune fille, ou la toute jeune femme, échappée à la rafle, hasarda enfin un timide regard dans l'étroite salle enfumée et moyenâgeuse où s'empilaient, s'écrasaient comme ils pouvaient, plus de 100 consommateurs. Elle eut honte de sa mise si modeste et rien moins que parisienne, en apercevant les toilettes élégantes ou extravagantes des dames, ou des cocottes en renom amenées là par les clients et les boudinés en vadrouille, et invariablement accueillis par le traditionnel « Oh là là, c'te gueule, c'te binette! Oh là là, c'te gueule, quel un !» Il est vrai que si le sexe faible était quelque peu rabroué à l'entrée, le sexe fort avait aussi son paquet à la sortie, sous la forme d'un cœur peu antique et moins solennel encore. Tous les clients sont des cochons, la faridondon, la faridondaine, et sur tous ceux qui s'en vont, la faridondaine, la faridondon. Les allées et venues, les chansons et les tournées de boxe succédaient. Tout ce monde chic hurlait, beuglait, vociférait aux accords d'un piano éreinté, et pour cause, mais encore tapageur. Accrochés aux murs noircis, des tableaux et des gravures d'un réalisme brutal achevèrent d'épouvanter la malheureuse fille, entrée dans le terrible cabaret comme dans un refuge à la faveur d'une bousculade. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle, toute saisie. « Paris me fait peur. Ayez pitié de moi, Seigneur !» Elle aurait voulu s'en aller, fuir, mais elle n'osait plus faire un mouvement. Et puis, avait-elle même les 100 sous de ce verre auquel elle ne touchait point, effarée de voir circuler les louis d'or et les billets bleus sur les tables grossières? « Tu peux partir à présent, ma petite, la rue est libre !» Elle sursauta. C'était le patron du cabaret qui, après avoir collé son œil au guichet de la porte close et verrouillée, venait lui donner ce salutaire avertissement. La pauvre égarée se redressa et, dans ce brusque mouvement, révéla le triste secret d'une grossesse déjà avancée. Oh, pitié humaine! Elle s'esquivait, agonisante de honte, sous tous les regards braqués vers elle, quand un couple jeune et fastueux, qui venait de descendre d'un fringant équipage, fit gaiement son entrée. La fille mère, car son malheur n'était que trop certain, la fille mère s'arrêta net, comme pétrifiée. Le cavalier, grand, brun, élancé, l'air et la tournure aristocratique, portait beau dans son costume de soirée. Il pouvait avoir 30 ans. Sa compagne, vêtue avec un luxe étourdissant, ruisselante de bijoux et de pierreries, avait jeté négligemment sur ses épaules nues un royal manteau de martre zibeline avec agrafe de diamants. Elle était d'une beauté éblouissante, capiteuse et provocante à ensorceler, à faire damner, à rendre fous les plus sages. « La reine de Paris, Suzanne d'Amour !» chuchotèrent quelques habitués, tandis que le cœur hurlait avec une admiration frénétique. « Oh là là, c'te gueule, c'te binette! Oh là là, c'te gueule qu'elle a !» Le poète cabaretier interpella suivant l'usage le nouveau venu. C'est à toi, cette batte gonzesse-là? Eh ben, mon colon, tu dois pas t'embêter toutes les nuits. L'autre répondit oui de la tête en riant et passa avec sa maîtresse resplendissante devant la pauvre fille enceinte et misérable. L'infortunée jeta un regard de suprême détresse, de désespoir et d'horreur sur le beau monsieur et tomba à la renverse sans un cri. L'homme avait, de son côté, fait un brusque mouvement de recul vers l'institut, une petite salle surélevée dans le fond du cabaret et réservée aux familiers de l'endroit. « Qu'est-ce qui vous prend, Roger ?» interrogea Suzanne d'Amour, pincée et narquoise. « Est-ce que vous la connaissez par hasard ?»« Tous mes compliments en ce cas, monsieur le comte, c'est charmant. »« Tout à fait charmant !» Et elle découvrit, en un rire perlé, ces jolies dents aiguës de cruelles souris parisiennes, de rongeuses de monde. Finissez cette plaisanterie, vous voyez bien qu'on nous regarde, fit avec une gêne visible celui que la reine de Paris venait d'appeler le comte Roger, et à qui nous laisserons ce nom. Mais non, on ne s'occupe que de votre victime. Impatienté, dépité, inquiet aussi peut-être, le comte entraîna sa compagne dans l'angle le plus obscur et le plus enfumé de l'institut Montmartre, tandis que l'on emportait la malheureuse femme évanouie à la pharmacie voisine, où l'élève, pressée de se payer du boudin ou de la volaille, la ranima presto subito à grands coups de serviette détrempée dans l'acide acétique, puis la renvoya à l'œil. Au cabaret, le concert naturaliste avait repris de plus belle, évoquant en rimes violentes, canailles, mais parfois émues, tout un monde de miséreuses et de damnées, au milieu de la joignaise et hurlante des pâles gommeux, des grues et des gros jouisseurs en bombe de Noël. Tout à coup, la voix du chansonnier populaire vibra dans l'énorme charivari comme un coup de clairon. « Messieurs, il est l'heure! On va fermer !» Quelques consommateurs obéirent à cette invitation polie et s'en allèrent de bonne grâce. Mais la plupart attendirent la grosse engueulade de la faim qui éclata comme le tonnerre. « Maxime, sortez les volets! « Rentrez la terrasse et foutez les clients à la porte. Un grand coup de botte dans le cul, nom de Dieu !» Le garçon, ainsi interpellé, une sorte d'Hercule paterne, bon enfant, mais chapardeur en diable, se borna à encaisser les tournées, se taillant lui-même ses pourboires, et remerciant bougrement tous ses sales clients, suivant la formule de la maison. « Eh bien, est-ce que nous allons coucher ici ?» demanda Suzanne d'Amour au comte Roger. On dirait que vous avez peur de rencontrer votre dulcinée à la sortie. Taisez-vous, je vous dis qu'on nous écoute. Mais qui cela encore? Cet homme-là. Et le comte désigna à la demi-mondaine un jeune type de rasta, au teint mat, bien membré, musclé et l'air étrangement résolu. En effet, tout en ayant l'air de coqueter avec des danseuses en rupture d'Élysée, il couvait des yeux obstinément le couple brillant et doré depuis l'entrée sensationnelle. Ça? Mais c'est Ragdal! L'individu entendit cette exclamation échappée à Suzanne d'Amour, et il répliqua avec une assurance cauteleuse. « Oui, belle dame, pour vous servir, ainsi que monsieur le comte, à l'occasion. » Et il passa, négligemment, laissant à ces dames du quadrille le soin de régler les soucoupes. « Quel est cet être ?» fit le gentilhomme en jetant méprisamment quelques louis sur la table. « Tu le vois bien ?» dit Suzanne en riant. « C'est un type qui ne paie rien de rien au grand jamais. De là son surnom de Ragdal. On ne sait d'où il vient ni ce qu'il fait, mais on le dit capable de tout. N'empêche qu'il y a des femmes qui le gobent comme ça. Oh, pas moi, souper des béguins. » Ils sortirent. La reine de Paris, frileusement suspendue au bras de son noble amant. Le comte eut un soupir de soulagement en voyant la rue libre. Il aida galamment sa charmante compagne à monter dans le ravissant coupé bleu, capitonné de satin clair, et prit place à côté d'elle. « Rue du Parc Monceau, » dit-il d'un ton bref, au valet de pied roi des gourmets. « Nous rentrons. » Celui-ci referma la portière et grimpa sur le siège à côté du cocher, très digne dans ses fourrures. Une forme humaine, une ombre de femme, s'était détachée de la muraille avec un cri sourd, un appel, une plainte ou un sanglot. La voiture repartit au grand trot des magnifiques steppers ferrés à glace qui piaffaient d'impatience. Et l'âme en peine, l'inconnu resta là, à la rue, sous la neige, seul, dans Paris endormi et glacé. Paris, affreux désert d'égoïsme pour qui n'est rien ou n'a rien. On fermait le célèbre cabaret, berceau de Montmartre, et tout retomba dans la nuit noire de décembre. Fini le réveillon, pleurer misère. Demain, tout à l'heure, ce sera encore Noël pour les riches.